بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. Huitième leçon. Première partie. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ma hiya al-awzan fi al-ism al-a'la? Qad yakun ala wazn mif'al mif'ala aw maf'ala maf'ala. Mif'ala ونفعل ايوه بالمد طيب ناخذ الاسئله. ماذا طلبت ام احمد من السوق عندك؟ طلبت مغرفة وبلا مقرى ومكوى ومقاصة. نعم كما كما نبحت عليه مغرفة يعني سنغوث كوير نوش هكذا. وأيضا طلبت الشوخة. الشوخة؟ نعم. طلبت قمح وعدس. نعم قمح وعدس. Du froment. Fanien, ماذا طلب أحمد؟ طلب مسطرة. مسطرة. مسطرة. ممحاتة. ممحاتة. ممحاتة. ممحاتة. ممبراتة. ممحاتة. Mimhato. Mimhato. Mimhato. Mimhatan. Mimhatan. Non. Farisan, ay ayat ni ala bakol jadid walimada. عن تغيير الوزن الطعام وأن البقالة جديد من المطففين. نعم من المطففين. والسابع استخرج ما في الدرس من أسماء الآلة واذكر وزن كل واحد منها والفير الذي اشتق منه. أول المقراط. لا المغرفة. مغرفة. نعم المغرفة. على وزن مفعلة ومن فعل عرفة. ثم عندك مقرا على وزن مفعلة وأصله مقلية وهو من الفعل أو قلة. لا ما في تشديد. كما مقراس قلاء. قلاء. ثم مكواء. مكواء على وزن مفعلة من فعل كوى. مقصن. مقصن على وزن يفعل في الكتاب ولا وزن مفعل بسبب الإدغام لكن أصله مفعل. ثم ميزان على وزن مفعل ومن فعل وزن. ما أصل ميزان؟ أصل ميزان من أين أتت هذه الياء؟ لأن كنا لما يأتي الواو وزن في على المعتاد مثال هذه الياء ما أصلها؟ الياء أصلها واو. نعم الأصل ميوزان. ثم ثم عندك مستوى لا مستوى في اثنين قبل مكيال. نعم مكيال على وزن مفعل. ماذا؟ مفعل. لا مفعل. لا مفعل. أنا ما أسمع المد مفعل. ما سمعنا المد. أنا سمعت مفعل. هذا قلت لك ما سمعت المد. وهو من السطر يسوع. هو مئة من الفيل السطر. نحن في ميكيال الآن. ميكيال من أي جهة؟ نعم ميزان قد مر بنا. ثم مسطرة. نعم على وزن مفعل ومن فعل سطرة. نعم إمحاء. إمحاء على وزن مفعل وصفه من إمحاء ومن الشمع حي يمحو. نعم مبراء. مبراء على وزن مفعل ومن فعل براء. ثم مفتاح على وزن مفعل من فتح يفتح. ثم مسعد على وزن مفعل من فعل سعد. طيب هذا بس اليوم نعم صحيح. بين نوع كل من المشتقات الآتية. سابع الآن فعلنا مرئي. هذا كان صعب لي المرئي وما أرى. أنا ما أدري أين المفعول واسم المفعول واسم أنا صعب. أنا كنت لي مرأة اسمه أنا لكن بعدين خلطت بين مرئي وما أرى. لماذا؟ كلاهما مر بنا نقل دو Et chacun, ils ont un wazn. Normalement, tu dois le trouver tout de suite. Si tu as bien révisé les awzan, tu vois la différence entre mar'i ou mar'a. Alors, al mar'i, ismu mekan. Ou mar'a, ismu zaman. Là. Là, si tu avais bien compris les règles, tu n'aurais pas dit que mar'i, c'est un ismu mekan. Ismu mekan, quand est-ce qu'il vient avec une fatra, une kasra? Avec le fémifel et idon, et également Ces exercices-là, ils sont simples, les frères. Juste, quand on exerce comme ça, quand tu n'as pas compris, tu retournes aux règles qu'on a appris, les règles qu'on a appris, elles définissent tout. Là-dessus, là, il n'y a pas de iltibes. Tu vois que ismeken, il vient à la wazma fa'il quand il vient d'affirmer misal ou d'affirmer qu'il kasra ou mudaliya. Là, tu vois que ra'ayara, il y a rien de tout ça, donc ça ne peut pas être un ismeken, ism zaman. Et on a dit quoi, ismafoul du fil naqis. Quand on regarde les règles après, on voit que celui-là rentre dedans quand même. Et souvent après, on voit mar'a. Mar'a, il rentre dans les arkem du ism zaman ou maken. Tout ce qu'on a pris, tout ce qui est là, là, ça demande juste de revenir en arrière et de lire et de méditer un peu. Et ça fait une révision. Mar'i, c'est un ism maf'oul. Wa mar'a, un ism zaman ou mekan. Et comme tu as dit, mir'a, ça c'est un ism ala. Taïeb, Mikiel, andak. Mikiel, ism ala, wa makil, makil, ism. Je كتبت مفتوح ما ظن عندك؟ اسمه فاعل، اسم الآلة واسم المفعول. نعم. موليد، مولود. موليد اسم مكان، اسم زمان. ومولود اسم مفعول. نعم. Le but de l'exercice, c'est d'appliquer les choses qu'on a appris pour qu'elles puissent s'ancrer dans l'esprit et dans la mémoire. Donc, Inch'Allah, il faut aller faire l'exercice, les frères. Vous voyez, c'est pas, on arrive ici, au moment où on fait l'exercice, on réfléchit sur la réponse. Tout est prêt à la maison. Ça fait partie, justement, des chiens d'affaires à la maison. Ça fait partie des choses, justement, qui vont aider à avancer dans le truc. C'est que quand tu arrives chez toi, tu prends ton livre, tu fais l'exercice, et quand tu n'as pas compris vraiment, tu regardes bien en arrière. Et si vraiment t'as pas compris, tu demandes à un frère. Vous voyez, on est là pour s'entraider. Même si je sais qu'on n'est pas à l'école ou quoi, ça c'est un ijtihad. Ça c'est des fruits de l'ijtihad, tout ça. Tout ça c'est des fruits de l'ijtihad. Donc faut s'y penser. C'est comme ça que la langue arabe elle va rentrer. Sinon, ça, on pourra, c'est comme ça des années, ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. Donc ce point-là, il faut faire des efforts. L'exercice, il faut bien les faire. Et chacun fait ça pour soi, et pour Allah en premier, et pour soi. Et pour soi, il ne faut pas oublier pourquoi on est venu ici, le parcours qu'on a fait. Et tout ça, c'est pas grand-chose. Les exercices sont faciles. Ils ne sont pas énormes. Ibn Troulfi, Adas Asamin. هذا يتعرض بالمعرفة والنكرة. في شخصان, المشتري وصاحب المحل. فأنت عبد الرحمن أنت المشتري وأنت صاحب المحل. شيء ثالث تفضل. هل لديك أقلام؟ As-tu des stylos? Donc il dit oui, nous avons des stylos à encre, aqlam hibr, hibr c'est encre, comme midad, ou aqlam jaffa, ça c'est écrit en papier. Donne-moi celui-là, il indique vers un stylo. Celui-là, il dit non, celui qui est au-dessus, au-dessus de lui. Celui-là, il dit oui, et donne-moi un stylo, plutôt un critérium. Qalam rasas, c'est un critérium. Voici un critérium. Donne-moi un cahier. Donc il dit les cahiers, ce sont de différents genres. Quel genre veux-tu? أريد دفترا ذا ورقة لا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامية. Donc il dit je voudrais un cahier qui a des feuilles soulignées avec sur sa couverture la carte du monde islamique. خريطة c'est une carte. هل تريد شيئا آخر؟ Veux-tu autre chose? Yunadi abnahu ya walid. Ya waladu. Ya waladu. Da hadil ashia fi kis bil mushtari atarmivi anta. Donc entre parenthèses, il y a un israël bil mahal, il appelle son fils. Il dit oh enfant, l'enfant plutôt, pose ces choses dans un sac. Kis, mana, sac. Et il dit à l'acheteur, est-ce que tu es un élève? Il dit, ma'ana ta'alib. Ma ismuka. Quel est ton nom? Ismi Malik. Mon nom est Malik. Fi ayi madrasati tadrus. Dans quelle école étudies-tu? Fi madrasati Omar al-Thanawiyya. Il dit dans l'école de Omar, secondaire. يسلم له الولد الأشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها. مالك قيمتها ويخرج. Donc l'enfant lui donne, lui remet les choses dans un sac et Malik paye la valeur ou le prix et sort. يا مالك تعال هذه لوحة. هذه لوحة نعم. لوحة جميلة تحوي Il dit au Malik, viens, voici, on va dire un poster, hein, ou une photo, une belle photo qui comporte des versets et des hadiths. C'est un cadeau pour toi. Shukran, yaqra, ma indakum yansaddu wa ma indallah ila. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده Donc, qui dit merci, ensuite il récite, dans le sens relatif approché, si vous avez s'épuise, et ce qui est auprès d'Allah reste, demeure. Ensuite il lit le hadith, le muslim, celui qui est épargné des autres muslims de sa langue, celui dont les autres muslims sont épargnés de sa langue et de sa main. Donc, t'as fait qu'on a allé. Voilà, Nassel, ma fille, non, ma fille, Mouchkila. طيب الأسئلة نقول ما الأشياء التي اشتراها مالك كيف هم الأشياء التي مالك اشتري أين يدرس مالك واسك مالك يتدي ماذا حوت اللوحة كيف هي الإيماج أو الفوتو أو البوستر كونتيا حوت دو حوا فالآن يدخل في مقصود الدرس. On a maintenant bien que le but du cours qui est الاسم إما معرفة وإما نكرة. Donc le nom est soit défini ou soit indéfini. فالمعرفة ما دل على معين كمحمد وأنت وهذا وكتاب والمدرس والجامعة. Donc le nom défini, c'est ce qui prouve une chose désignée. Comme Mohamed, ou Damir Anta, ou l'Ism Sharah Hada, ou j'ai dit Kitab al-Mudarris. En fait, c'est Kitab al-Mudarris, Mudaf Mudaf Ilay. Kitab al-Mudarris, ou Al-Jami'a, l'université. Ou Al-Nakira, Madalla ala Ghayl Mu'ayyidin, Karajulin, ou Kitab, ou Jami'a. Donc, l'indéfini, celui qui démontre une chose non désignée. Non défini, comme Rajul, un homme, Kitab, un livre, Jamia, une université. Yakul, Aqsam al-Ma'rifa, les catégories de non définies. Wa yakul sab'a, lakin fil hakika, fil kutub al-Nahu, tajid anha sitta. Yakul, al-Ma'alif, sab'atu Aqsam. وهذا الدرس مهم لأنه يندرج تحته أحكام كثيرة. سجل لنا كورس important car ce qui va suivre après dans ce qui concerne les règles comme le mutada, le khabar ou le na'at dans le tawabi, il y a besoin de savoir la différence entre un akira et un ma'alifa. Donc il commence par ça maintenant. Donc il dit les sections de ma'arif, ma'alifa. Awalan al-damir. Et l'ordre qui va suivre, lui, qui va établir maintenant, c'est l'ordre des plus connus ou moins connus. S'il y a un ordre. Dans les ma'arif, ça, les choses sont plus connues que d'autres. Qu'on installe de ma'arifa plus haut que d'autres. Awalan a'laf al-ma'arif, kama yuqal wa Allah. Allah wa a'laf al-ma'arif. Il est la chose la plus connue. Thumma yaqul ad-damir. Ad-damir ma'arifa. Mithl ana wa anta. وهو وأتى من كتبت والواو من يكتبون واو الجماعة فالضمائر كلها معرفة ليست نكرة تدل على شيء معين démontre une chose définie. ثانيا العلم nom propre مثل أحمد والهند ومكة. أحمد c'est un nom d'homme, الهند c'est le nom d'un pays et مكة le nom d'une ville. Le nom propre, c'est tous ma'alifa. Thalithan, ismu l'ishara. Mithl, hadha, wa thalika, wa hadhihi, wa tilka, wa ha'ulai. Donc, les ismu l'ishara, sont tous ma'alifa. Wa kaman nabahna alihi, fi hadha, le nom hadha, le ismu l'ishara, c'est tha, fakat. Wa l'ha, ada harf tanbih. Harf tanbih. Il ne fait pas partie du Smishara. Le Smishara, c'est Za, tout seul. Wa Zalika. À la base, c'est Zalika, il y a un Med. Sauf que le Alif ne s'écrit pas. Le Lem, là, Yusama bil Lem el Bourd. C'est pour indiquer une chose qui est loin. Et le Kef, Harf Ritab. Que tu l'emploies en fonction de à qui tu parles, l'interlocuteur. Quand tu marras bina Hada, tu parles à un homme, tu lui dis Zalika Kaza. Tu parles à une femme, tu dis Zaliki Kada. Tu parles à des gens, tu dis Zalikum Kada. Et c'est pas un Dhamir, c'est un Harf Khitab. وهذه كذلك لها حرف تنبيه وذيه اسم إشارة وتلك اسم إشارة وتي ولم لم البعد والكاف حرف خطاب وهؤلاء ها حرف تنبيه وأولئي هذا هو الاسم إشارة. رابعا الاسم الموصول مثل الذي والذين والتي واللاتي وما ومن الموصولتين donc اسم إشارة il est معرفة et parmi les اسم موصول أخوان il est معرفة et parmi اسم موصول il y a ما il vient اسم موصول et من aussi il vient اسم موصول مثلا تقول رأيت من في البيت j'ai vu en fait celui qui est dans la maison طيب وتقول شربت مما شربت مما شربت j'ai bu de ce que tu as bu ou ناما اسم إشارة معنى الذي في أشياء أخرى أيضا تأتي باسم إشارة أتى الألف واللام في الاسم المشتق يأتي بمعنى اسم موصول وأي يأتي اسم موصول في عدة أسماء موصولة ما هي محصورة على هذه ils sont pas limités à ce qu'on a cité il y en a d'autres mais ceux-là sont les plus connus et man ils sont pas pour le عاقل et ما pour le غير عاقل أصلا dans le Coran ils sont déjà venus dans employés hors de leur contexte connu d'origine خامسا المحلي بألف واللام مثل الكتاب والرجل donc le nom qui est lié à ألف واللام c'est un اسم معرفة سادسا المضاف إلى معرفة انتبهوا هذا قيد هذا شرط المضاف إلى معرفة c'est-à-dire que le مضاف إليه doit être معرفة s'il n'est pas معرفة le مضاف n'est pas معرفة non plus c'est le مضاف qui est une chose qui est معرفة aussi كتابه هنا مضاف إلى ضمير وكتاب حامد مضاف إلى اسم علم وكتاب هذا مضاف إلى اسم إشارة وكتاب الذي خرج بالفصل le livre de celui qui sortit de la classe قبل قليل il y a peu de temps فهنا هو مضاف إليه والذي اسم موصول وكتاب المدرس le livre du professeur هنا مضاف إلى اسم محل اسم مقترن بألف واللام et il prend le statut de ce à quoi il est مضاف si c'est مضاف à un ضمير il sera du statut du ضمير si les مضاف à اسم علم il sera du statut du اسم علم parce que tout ce qu'on vient de suivre là on vient de lire ils ont des rangs comme on a dit le ضمير il est plus connu que le اسم علم le اسم علم il est plus connu que l'اسم إشارة l'اسم إشارة l'اسم موصول tous les deux sont pareils يسمى بالأسماء المبهمة les noms abstraits les deux ils sont ensemble اسم إشارة اسم موصول dans le كتب de نحو ils les mettent ensemble des fois ils disent justement cinq catégories de ce موصول là parce qu'ils mettent le موصول et l'إشارة ensemble même, ils sont tous les deux au même degré اسم مبهم ils ont besoin d'autre chose pour être défini c'est-à-dire ils sont pas tout seuls par exemple si je dis Mohamed tout seul il suffit mais si je dis هذا toi tu indiques une chose donc il a besoin d'autre chose pour pouvoir savoir qui il est et الذي il y avait aussi autre chose il n'y a rien autre chose la fin du jumla style après c'est pour ça qu'on l'appelle ism mubham tout seul tu ne sais pas qui il est il définit autre chose نعم قال أما المضاف لنكرة فنكرة مثل et celui qui est مضاف à نكرة il sera نكرة comme lui كتاب طالبين le livre d'un étudiant بيت مدرسين la maison d'un enseignant إنما المضاف لنكرة يفيد التخصيص on va dire qu'il sera pas نكرة comme un pur نكرة et il sera pas معرفة en fait c'est une chose qui est نكرة mais avec une certaine spécificité qui la sort un peu du lot par exemple je dis كتاب كتاب واحد ça dit pas grand chose si je dis كتاب طالبين déjà je te donne une caractéristique tu sais que c'est pas n'importe quel kitab. Par exemple, les toulab, il y en a plein. Tu sais pas qui, le livre de qui il est. Donc, le moudaf et le nakira, fichim et tarsis. Lakin ma yassilou il est martabat et ma'alifa. Ça ne rend pas ma'alifa pour autant. Voyez. Sabi'an. El nakira, el maksouda bil nida. Mithl. Ya rajulu. يا شيخ إذا نديت رجلا وشيخا معينين. Ça c'est parmi les aqsam du Ahkam al-Nida. Comme ça verra plus tard, il y a des aqsam. Et parmi les aqsam, il y a Al-Nakira al-Maqsouda. Mahia, c'est que tu vises une personne dont tu ne connais pas le nom, mais tu veux cette personne en elle-même. Donc pour toi, elle est Ma'alifa. Tu sais qui tu veux, mais tu ne connais pas son nom. Donc, tu vois un homme dans la rue, tu dis Ya Rajulu, Ta'al, Sa'idni. Tu dis Oh l'homme, viens aide-moi. Mais toi, tu veux lui là. Donc pour toi, les Ma'alifa, c'est lui que tu veux, mais tu ne connais pas son nom. Vous voyez ? Donc ça, ça rentre dans la semaine d'idée, ça va venir, Inch'Allah, plus tard. Yusama al-Nakira al-Maqsouda. C'est l'indéfini qui est visé. Wal-Hakika, al-Nakira al-Maqsouda, t'as trouvé l'Ikrism, l'Ism al-Muqtalin bi-Alif wal-Lam. Ils ont mis 7 catégories en vrai. Celui-là, il rentre dans l'Ism bi-Alif wal-Lam. Parce qu'en fait, il y a un taqdir. Quand tu dis Ya Rajulu, voilà, tu veux dire Ya Ar-Rajulu. Seulement, après Ya Al-Fenida, Ya Alif wal-Lam, il ne rentre pas. On l'a pris, tu te rappelles ? Tu te rappelles aussi ? Al-Hassan, à fond, tu dis Ya Hassan. Tu ne dis pas Ya Al-Hassan. Donc, Nakira Maqsouda, en fait, il y a Alif wal-Lam Muqaddar. Il y a Alif wal-Lam Muqaddar. Donc, ce Qism al-Sabir, en vrai, il rentre dans Al-Sadis. Il n'y a pas cette catégorie. Il y en a 6. Ou 5, quand on met le Ism al-Shara et le Ism al-Mawsoul ensemble. نعم يقول أما النكرة غير المقصودة بالنداء فنكرة تقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. نكرة غير المقصودة كذلك من أقسام النداء هو ماذا؟ C'est le contraire de l'autre. C'est que tu appelles une personne parmi un groupe de personnes, personne indéfinie. مثلا كقول الأعمى يقول يا رجلان خذ بيدي. أنا aveugle dans la rue, il y a plein de gens autour de lui. Il dit oh homme, prends-moi par la main. Lui il veut n'importe qui. Il vise pas celui-là ou celui-là. Il veut n'importe qui. Et là tu vois la différence, comme on a vu dans l'exemple. Dans le Nakira Maqsouda, il dit ya rajulu. Et dans le Ghayr Maqsouda, il dit ya rajulan. Il y a des ahkam. C'est comme ça que tu arrives à différencier entre les deux. Ça viendra dans le bab d'Ida, Inch'Allah. En tout cas, le Nakira Ghayr Maqsouda, dans l'idée, il est mansoub. Comme tu vois, Ya Rajulan. Ça va, Inch'Allah. Adalé, c'est mon dersina. Yakul, wal ma'alifatu la t'taghayyir haluha bil nida. Nahu, Ya Khalidu, Ya Hada. Lienna hulla, afan, al-an hulla min adi al-tamarin. Donc il dit le ma'alifa, sa situation ne change pas lorsqu'il est dans le nida. Quand il dit ya khalidu, il reste toujours ma'alifa. Ya hada, il reste toujours ma'alifa. Wa hada inshallah sa'ati adi l'ahkam fi bab al-nida. Ya hu ahkam fi aqsam, alazi wa mansoub, alazi wa mubni, akada, la hu ahkam. Ya kul al-an. Donc maintenant c'est quoi une série d'exercices? Trois exemples de Nakira. Nakira. نعم. ثانياً حتى ثلاثة أمثلة لكل قسم من أقسام المعرفة. يا حسن لا يريد ثلاثة أمثلة لكل قسم. أول أنا أنت وأنتم. طيب أنت حتى القسم الثاني العلم. العلم أحمد محمد وهشام. اسم شارع هذا تلك هؤلاء. اسم موصول الذي التي الذي المضاف الى المعرفه كتاب سياره حامد و عاقبه هذا طيب يقول الاستخليج من الدرس ما فيه من نكرات، هذا سيكون في البيت. وكذلك رابعا استخرج من الدرس ما فيه من المعارف، واذكر كل واذكر نوع كل واحدة منها. Donc sort du cours tous les ma'rifa et tu dois définir leur catégorie. هذا في البيت كذلك. طيب ورد في الدرس يا ولد يا مالك أيهما اكتسب التعريف بالندى. Donc dans le dessin, on a vu Ya Waladu, Ya Maliku. Lequel des deux est devenu, il contient le fait d'être défini par Al-Nida, l'appel. Lequel des deux est Ma'alifa par le fait qu'il a été appelé. Alors qu'à la base, il n'est pas Ma'alifa. Lequel des deux ? Là. Walad. Malik, c'est Ma'alem. Ma'alifa, en fait. Mais Walad, Wahda, où ? Non, Ma'alifa. Fait l'en, fait d'un nom, soit Nakira Maksouda. C'est un Nakira Maksouda. Tu ne l'as pas nommé, mais tu l'as défini par ton choix. Lui devient Ma'alifa. Il y a un taqdir, Alif Olem. En fait, c'est Ya. Elle ou l'ado. Lakin ouna kuna alif wa lemma yati bad harf nida. Donc celui-là, là, dans le nida, il est devenu ma'alifa, c'est walad. Malik est déjà ma'alifa aslan. Ça isma alam. Sadisan. Ikra al-hadith al-ati wa ayin ma fihim nina kirati wa al-ma'arif. Wa thkur nu'a kul ma'alifatin. Tayyib. Anta ikra al-hadith, Abdul Rahman, summa ayin, kama kala. النكرات والمعارف. عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما عبدت قال ما عبدت لها من كثير سؤال ولا صوم ولا صدقة ولكنني أحب الله ورسوله. ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. لا هذا كذلك سنترك في البيت وأنا في أشياء كثيرة في تحتاج أن تفكر والفعل ميزون سيشولا. سابعا حول كل نكرة ما يأتي إلى معرفة بطريقة المذكورة أمامها. Donc là tu dois rendre nakira tout ce qui est nakira en ma'alifa par le biais de ce qui est cité devant. مثلا سيارة il veut que tu le rendes ma'alifa par l'idafa. Qu'est-ce que tu قول عندك أبا بكر سيارة خالدين. نعم رسول بتحليتها بألف اللام. الرسول أستاذ بالنداء يا أستاذ. نعم وقت المعرفة أو نكرة المقصودة تبين دمه تبين يا أستاذ تبين دمه لفا يا أستاذ. وقت المعرفة أو نكرة المقصودة يبين دمه لفا المنادة. يقول ثالثا استخرج من الدرس أولا مثالين للمضاف إلى المعرفة ومثالين للمضاف إلى النكرة. Donc sort du cours deux exemples de مضاف à معرفة et deux exemples de مضاف à النكرة. أيضا ثلاثة أمثلة لاسم الفاعل المشتق من الفعل الثلاثي المجرد. Donc اسم فاعل qui est dévié ou dérivé d'un verbe de trois lettres d'origine. مثالا للنصب. Un exemple avec le nasab. On a dit ce qu'on tient. Ya. Arabi Ratruku. Ça c'est un truc de Shafawi. Ma. Salis Fibul. Naam. Salis Fi Salas Asia. Fi Nafsi. طيب يقول تعلم الآفة الآتية regarde يعني étudie les verbes suivants كتب نادي نادي خطا أصل ونادى بألف مكسورة نادى ينادي نادي دفع رباعي qui veut dire appeler نادى هذا الماضي ينادي هذا المضارع نادي أب ممدي على حصف فعل نعم ثم دفع يدفع دفع ماضي ويدفع مضارع دفع معنى payer ou pousser ou même repousser كذلك نعم نادى يضيف النار لكن نادي إذن نفير نفدة ينفدو c'est une chose qui s'épuise qui se termine تقول نفدة نسخ هذا الكتاب في المكتبة que les exemplaires de ce livre sont épuisés dans la librairie نسخ جم نسخة فنفدة ماضي وينفدو مضالع أيضا سلم الشيء له أي أعطاه إياه quand on dit سلم صعف جر derrière c'est donner une chose طيب remettre une chose à quelqu'un سلمت لك المفتاح je t'ai remis les clés la clé تقول سلمت الدفتر للمدرس j'ai donné le cahier à l'enseignant فالماضي سلم والمضارع يسلم والأمر سلم أما إذا قلت سلم عليه تمي حرف جر دايير avec un ضمير سلم على فسلمان le fait de passer salam à quelqu'un فقال له السلام عليك وقد عرفت ذلك هذا من قبل قد مر بنا هذا c'est déjà passé dans un vers précédent donc سلم واحدة c'est délivrer une chose remettre une chose donner une chose وسلم على c'est passer le salam سلم يسلم تقول انقلبت سيارته ولكن سلم en fait ça aurait été épargné سلم ça aurait été épargné tu dis la voiture انقلبت سيارته sa voiture s'est retournée انقلبت s'est retournée ولكنه سلم cependant il a été épargné il a été sain et sauf هذا هو الأصل سلم بدون شدة حد جمع الأسماء الآتية تعرفون جم كيس؟ نعم. لوحة؟ الواح؟ لا. ما أعرف ولا. أنا ما أعرف يعني. ممكن أنا أعرف لوحات. خريطة؟ خريطات؟ لا. وممكن لكن زي باس بيك خريطة ما أقول بيش خريطة خوارد خوارد il n'y a pas un autre parce que ce jam متعين جو الجموع quasiment tous les noms ils l'ont mais normalement il y a d'autres normalement il y a d'autres jams qui viennent devant on ne rappelle plus خريطة parce qu'il y a خرائط comme أقول تانام و أخريطة ما غير في خرائط إن شاء الله كما قلت غلاف c'est une couverture c'est pas un غلوف نعم غلوف مدد فوق c'est quoi le contraire de فوق تحت تحت باقي لسان ايوه صح ما رأيت لسان السنة يد ايدي تمام فاليوم أخذنا ما يتعلق بالمعرفة والنكرة وقلنا أن أقسامها ستة من المعرفة والمعرفة هو مدل على معين وأقسامها هو أولا الضمير ثم اسم علم ثم اسم الشارع واسم موصول ثم المكلف اسم المكلف بألف واللام وثم المضاف إلى هذه الأشياء الخمسة السابقة وهذا تدرج هذا تدرج والمضاف إلى معرفة يخوض درجة ما أضيف إليه إذا أضيف إلى الضمير فهو بمرتبة الضمير إذا أضيف إلى اسم علم فهو بمرتبة اسم علم وكذا مفهوم؟ فأوصيكم نفسي وإياكم يا إخوان للمراجعة في هذه الكتب وغيرها ليس خاص بهذا الكتاب لأن قد تمشي فترة من الزمن تفهم لكن الأشياء تمشي لا تكون معك ثم تبون ترجع الكتاب بعد ضياع الوقت وقد أصبنا بهذا كثيرا طيب باب النص لكم حتى تستفيدوا وتكونوا نافعين لإخوانكم لكم أولا وإخوانكم لأن ستدوركم إن شاء الله يوم من الأيام أنتم تجلسون تدرسون إخوانكم إن شاء الله هذا هو القصد لسا تأخذ كتابك تقرأ ليف pour toi et après tu t'en vas. Non, après tu as une charge. C'est que tu as la belle il y a une responsabilité derrière. Quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est pas service militaire. Tu viens, je prends mon wajibat, après je m'en vais. Non, tu as pris pour toi, tu appliques pour toi et tu donnes aux autres. Tu donnes aux autres après. Il faut toujours se mettre en tête quand tu fais ta la belle qu'un jour tu seras mudarris, Inch'Allah. Et que tout ce que tu as fait, tu puisses le faire aux autres. Ce que tu as compris, enseigne aux autres. Et ainsi de suite. Car la science, il faut qu'elle se propage. Car on le voit aujourd'hui, les traces de l'ignorance font des gros dégâts. Des gros dégâts. Allah Moustahan. Et ça, c'est pas propre seulement aux frères de France ou quoi, c'est partout dans le monde. Aujourd'hui, l'ignorance fait des gros dégâts. Pour le manque de savants qu'il y a. Ou dans les savants qu'il y a, le manque de ceux qui sont vraiment fermes et sincères aussi. Également parmi les ceux qui ne sont pas des savants, tous les belaïm, pareillement, ceux qui sont vraiment fermes et sincères dans ce qu'ils font, et qui veulent le khay, qui veulent la vérité, et qui veulent la donner aux autres. Et ensuite, pour ceux qui sont ni savants ni tous les belaïm, qui veulent profiter vraiment du savant, du tous les belaïm, de ce qu'il a lui donné, pour l'appliquer et le suivre. Et ceux qui font ça aujourd'hui sont très peu nombreux, malheureusement. Mais un suffit. Un peut faire beaucoup de khay. Un qui est moins fort peut faire beaucoup de khay. نعم يسوال فإلا هنا والحمد لله رب العالمين